Les participants à la 6e conférence des juristes d'Asie-Pacifique, récemment tenue à Katmandou, Népal, ont exprimé du soutien absolu à la cause juste du peuple coréen. Ils ont adopté la déclaration de Katmandou en faveur de la réunification pacifique coréenne.